La revue internet russe Divusional a inséré le texte intégral de l'œuvre classique du président Kim Il-sung, anticipant la réunification du pays grâce à l'union de toute la nation à l'occasion des 23 ans de son décès. Elle a porté à cette occasion la photo du président Kim Il-sung.